Alors, deuxième question d'une sœur qui demande: pouvez-vous me donner des conseils afin de me prémunir contre le faux Messie? Va-t-il s'en prendre uniquement aux kafirs ou également aux croyants ayant une foi faible? Fadal Cheikh. Quand elle dit, va-t-il s'en prendre uniquement aux kafirs? Non? Ou bien uniquement, ou bien également aux croyants faibles? Non? Les croyants, yani, ayant une foi faible, et on va voir aussi que les campagnards, ceux qui habitent les campagnes, et on va voir aussi que les femmes, non? Beaucoup de gens, yani, vont le suivre, malheureusement. Et pour se prémunir du Messie Dajjal, c'est le prophète Hassan lui-même qui a dit. Il a dit, si quelqu'un, yani, va lire les 10 premiers versets de Sourate Al-Kahf, il a dit à Afwan, il ne pourra pas lui faire de mal. C'est bien d'apprendre les 10 versets de Sourate Al-Kahf, les 10 premiers versets. Dans un autre hadith authentique, il est dit les 10 derniers versets de Sourate Al-Kahf. Et c'est aussi un hadith authentique. Donc si quelqu'un n'a pas de science, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'il y a une contradiction. D'un côté, il a dit les 10 premiers versets de Sourate Al-Kahf préservent du Messie Dajjal. De l'autre côté, il a dit les 10 derniers versets préservent du Messie Dajjal. Donc il y a contradiction, je ne prends d'aucun hadith. Et les gens doués de science, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Alhamdoulilah ». Ça, c'est une ni'ma. Non, ça, c'est une ni'ma. Que tu lises les 10 premiers versets ou les 10 derniers versets, tu seras, inshallah, ta'ala, préservé du Messie Dajjal. Donc, ça, au contraire, on dit c'est une ni'ma, c'est pas une contradiction. Peut-être auparavant, il a dit les 10 premiers. Ensuite, peut-être que c'est difficile les 10 premiers, il a dit les 10 derniers. Et peut-être qu'il a commencé par les 10 derniers, il a dit peut-être c'est difficile pour eux, donc les 10 premiers. Donc, conclusion, que ce soit les 10 premiers ou les 10 derniers versets de Sourate Al-Kahf, Inch'Allah ta'ala, ça préserve le Messie Dajjal. Et bien sûr, la personne qui connaît bien sa aqida, etc., on sera préservé, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Car on va lire un peu plus loin dans les prochains cours que, yani, voilà ce qu'il va faire, et voilà ce qu'il va faire, et voilà ce qu'il va faire. Donc, nous, yani, si jamais il arrive en ce temps-là, alhamdoulilah, on sait que c'est lui. Parce que voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va faire. Mais le problème, c'est pour les gens qui n'ont pas de science, qui n'étudient pas, et qui sont loin de la science. C'est pour cela qu'on a peur, yani, s'il vient, ils vont le suivre, yani, parce qu'il va venir avec des choses vraiment extraordinaires. Et que seul le croyant, le vrai croyant, yani, alhamdulillah, yani, sera préservé de lui, bi'idhnillah, à cause de la science qu'il a. Et bien sûr, le raffermissement du cœur fait par Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tafadhal.